Le beau temps de Marilyn Desbiolles. Adaptation et réalisation, Sophie Haute-Picon. Le 3 janvier 1920, Maurice Jobert a 20 ans. En avril, il part au service militaire. Il en prend pour 2 ans. Il est sapeur de 2e classe au 7e génie d'Avignon. Je déniche même son numéro matricule, 2777. Malgré tous ces 7 porte-bonheur, la caserne l'étouffe, comme on pouvait s'y attendre et comme il l'écrit à un ami niçois. Maurice Jobert a vécu très exactement la moitié de sa vie. J'enrage qu'il doive passer 2 années au service militaire. Mais peut-être est-ce à ce moment qu'il prend la résolution de se consacrer à la musique, qu'il exerce sa capacité à ne pas abdiquer. Deuxième mouvement. Je vais au service historique de la Défense, dans l'un des bâtiments du château de Vincennes, consulter son livret militaire. Dans le petit carnet du service actif, il est dit qu'il a les cheveux châtain foncé, les yeux marrons, que le nez est rectiligne, le visage ovale et le front haut, qu'il a été classé 11e sur 50, que sa note moyenne est 16,5, qu'il sait monter à bicyclette, à motocyclette, qu'il connaît le télégraphe morse, qu'il lit à la bande et manipule. Jamais je n'aurais cru que la caserne pût être une telle servitude de tous les instants. Chaque jour, je me heurte à ce mur de la discipline que je déteste, non en tant que discipline, mais comme annihilant toute pensée personnelle, toute volonté, tout désir. Même s'il n'a pas accompli toutes ses périodes d'exercice, s'il n'a pas été à l'école de perfectionnement, il est très bien noté. En 1935 notamment, période au terme de laquelle il devient capitaine de réserve. Excellent officier de réserve, très brillant, excellente tenue et intelligence vive, très militaire. Voilà qui cadre mal avec ce qu'on m'a dit de son antimilitarisme. Transparent et opaque, toujours. On sait cependant que Maurice Jobert est avant tout un homme de devoir. Il vit peut-être ses périodes militaires comme une ascèse et s'y plie avec ferveur. En été 1920, Maurice Jobert a une permission qui lui permet de revenir à Nice et dans les montagnes. Il prend l'air et la musique qui lui est consubstantielle. Le jour de son anniversaire et de sa majorité, le 3 janvier 1921, il quitte Avignon pour l'école du génie de Versailles, où il est élève officier de réserve de la 6e brigade. Le dimanche, il va à Paris, se baigner dans la musique. Il est notamment bouleversé par Péléas et Mélisande. On dirait que ta voix a passé sur la mer au printemps, chante Péléas à Mélisande. Le 23 octobre 1921, il part pour Alger, et plus précisément pour Hussein-Dé, à 5 km environ à l'est du centre-ville, au cœur de la baie, où il est sous-lieutenant au 19e bataillon du génie, autrement dit les sapeurs d'Afrique. Une photo le montre en burnous clair, probablement dans les Aurès, devant la maison de pierre d'une jeune femme en costume berbère chaoui, à qui il vient d'offrir une cigarette. Sur d'autres photos, on le voit à dos de chameau, dans les dunes, ou sur un cheval nommé Démocrate. Maurice Jobert a aimé l'Algérie. Je trouve des lettres de Mine, sa mère, où elle se réjouit des cartes enthousiastes qu'il lui envoie. Que de belles et si diverses choses sous le ciel. Ainsi tu as parcouru, juché sur un chameau, tel un roi mage, les grandes étendues de sable qui mènent au désert. Quels beaux souvenirs vont te rester de ce séjour algérien. Il revient d'Algérie avec une suite arabe qui deviendra chant saharien. 5 poèmes touareg pour soprano, hautbois, quatuor à cordes et tambour. J'écoute les 5 chants sahariens chantés par l'excellente Felicity Lott. La musique si ténue. Les poèmes touareg, parfois a cappella. La musique semble sourdre du désert, du sable. Elle porte le chant comme un petit bijou, une boucle d'oreille, une pierre de lune. Nos larmes invisibles sont nos bijoux. Le roi mage a de si beaux souvenirs, en effet, qu'il retournera en Algérie quelques mois en septembre 1929, pour une courte saison à l'Opéra d'Alger, où il est chef d'orchestre. Ça ne se passe pas très bien. Il démissionne dès janvier, mais il a dû retrouver avec joie l'incandescence de ce pays, au retour duquel, au printemps 1922, il décide de se consacrer à la musique, après un nouvel été dans les montagnes des Alpes-Maritimes. Je me demande comment les parents de Maurice Jobert ont pris l'abandon de sa carrière d'avocat. Je me demande s'ils ont eu des mots, ou si la force de conviction de leur fils était telle qu'ils ont eu foi, eux aussi, en sa vocation. Je me demande s'ils ont avalé la traîtrise, car pour faire quelque chose de sa vie, ne faut-il pas être traître ? Traître à sa famille, à son milieu, peut-être à soi-même ? Les parents de Maurice ont certainement eu peur, mais Haydé est, quoi qu'il arrive, du côté de son fils. Et François est passionné par ses recherches musicales. François est un soutien, pas seulement financier. Il est un soutien fervent, il est partie prenante. Il ne manquera jamais de monter à Paris pour les premières des concerts de son fils. Sans Haydé, qui a toujours des problèmes de santé. Mais Mine, on le sait, est unie à Mini par la quête spirituelle. Inséparable, elle le comprend, de la vocation musicale. Mais par les lectures aussi. En 1919, elle partage avec lui son enthousiasme pour « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Il n'y aura pas d'ombre entre le fils et ses parents. Des tiraillements, sans doute, mais pas d'ombre. Maurice reviendra très souvent à Nice, qui compte tant pour lui. Il reviendra chez eux, que ce soit avenue Notre-Dame ou ensuite, plus au nord, à la Villa Mektoub. Il se reposera auprès de ses parents de ses difficultés matérielles, de ses échecs, de sa termitière lorsqu'il travaille chez Pleyel, du mauvais temps, peut-être surtout du mauvais temps. Les jours sont comptés, mais il est encore temps de quitter définitivement la robe d'avocat, de se consacrer à la musique, de partir pour de vrai à Paris. Il se trouve une chambre bien à lui, même si c'est une chambre d'hôtel, l'hôtel Soufflot, au 9 de la rue Toulier, non loin du Panthéon. Maurice Jobert tapisse sa chambre de photographies de montagne, de hauts sommets voisins de la mer. Il habite sur la dérisoire montagne Sainte-Geneviève, mais du moins a-t-il une occasion supplémentaire de prononcer le mot « montagne ». Dès février 1923, il fait la connaissance d'Arthur Honegger, chez lui, rue Dupéret à Pigalle. Honegger l'introduit dans le cercle de jeunes musiciens qui gravitent autour de lui. Importance de la musique, du vertige, de l'audace cinématographique d'une image tendue vers sa diffraction, son propre éclatement, sa perte. Jobert dédie la dernière de ses 6 inventions pour piano à Grémillon, et je l'écoute à l'instant. Cette invention concentrée sur le registre grave du piano, si étrange et solitaire que j'en reste sans voix. Plus que sa musique, c'est l'ouverture d'Honegger au monde, son absence de préjugés quant à la musique dite de circonstance, qui ont sans doute libéré et influencé Jobert. La musique de commande, la musique dépendante, la musique fonctionnelle, Jobert l'a déjà explorée à dire vrai, même si très timidement, avec la musique religieuse. Et peut-être que sa foi, ici, est importante, qu'elle lui fait éprouver combien il est fondamentalement dépendant, au service de plus grand que lui. Ce n'est pas lui le démiurge. Cette profonde conviction le rend paradoxalement plus libre de ne pas faire valoir, de ne pas illustrer. Si la musique est toujours de commande, alors elle ne l'est pas plus quand elle est au service d'une pièce de théâtre, d'un film ou d'un poème. Comment se tenir près de Maurice Jobert et ne pas faire corps avec lui ? Comment ne pas se fondre dans ses lettres et plus encore dans sa musique, sans plus ajouter un seul, un traître mot ? Comment s'engager tout entière dans cette histoire et en même temps tenter de décoller, tenter de se dégager une épaule, deux épaules, le torse ? Comment prendre la tangente ? En somme, comment ne pas en faire mon sujet ? Comment le laisser libre ? Et ce qui va de pair, comment rester libre moi-même ? L'été de 1925 est le premier été qu'il passe si peu à Nice et dans les hauteurs près de la mer. Quelques petits jours en juillet, puis tout l'été, le glorieux été du littoral, Maurice Jobert reste à Paris. Il y éprouve amèrement sa solitude et le regret de la douceur, de la plage, de la mer. Il est parfois pris d'une grande tristesse. Il travaille chez Pleyel, où il fait la connaissance de Maurice Ravel. Il est relégué à l'entresol dans ce qu'il appelle sa termitière. L'exiguïté et l'absence de lumière lui pèsent. Je suis tellement enfermé dans ma minuscule cagna que j'ai l'impression d'être à l'intérieur du piano. Ce qui est évidemment une drôle de manière d'écouter et de corriger des rouleaux. Il œuvre aux enregistrements sur rouleau destinés au piano automatique, le Pleyela. À la suite de Stravinsky, il se passionne d'ailleurs pour les possibilités de ce nouvel instrument. Maurice Jobert prend l'air dans sa chambre. Il compose dans sa chambre, tapissée de photographies de montagne. La légende veut que les frères Jobert aient été des noceurs. Dans l'album de famille, quantité de portraits de belles filles. La légende veut que les frères Jobert aient conquis les cœurs, cependant que Maurice aurait été plus grave, et que la foi les tenue à l'écart. Rien ne me permet de l'affirmer, mais je le crois trop ardent pour ne pas avoir été un grand amoureux, avec gravité peut-être, ce n'est pas incompatible. A-t-il connu à Nice des aventurières, des demi-mondaines, des loups fascinantes? Je ne le sais pas. Mais je sais qu'à la fin de cet été confiné, à la fin de cet été studieux, Maurice Jobert reçoit sa première commande, qui va lui donner quelques notoriétés et lui faire rencontrer une jeune cantatrice, Marthe Bréga, qu'il épousera l'année suivante. Cette première commande est une musique de scène pour la pièce de Pedro Calderón de la Barca, Le magicien prodigieux. Maurice Jobert est au pupitre. Marthe Bréga, de son vrai nom Marthe Poidloué, est une jeune femme pétulante, belle, séductrice, fantasque. La minuscule fosse d'orchestre de laquelle elle émerge est un véritable antidote à d'autres fosses, plus étroites et plus sombres, celles qui causent l'effroi d'Haïdé. Marthe est un antidote à la tristesse sévère d'Haïdé. Et son apparition dans la vie de Maurice met fin à ces longs mois de 1925, où Mine est de nouveau bien malade et Ménie pétrit de tristesse et de doute. Marthe est exquise, ce qui ne l'empêche pas d'être féministe. Une exquise féministe, un exquis garçon manqué, de monter en avion avec les frères Farman, les fameux constructeurs et pilotes d'avion. Il faut être alors sacrément casse-cou pour monter en avion. Je l'imagine casse-cou et coquette, ses boucles brunes dépassant du casque d'aviateur. Comme elle est joliment juchée sur la machine avant le départ, un foulard rose noué avec élégance autour de son cou, justement. Je vois Marthe sur les photos. Elle sourit. Elle sourit toujours. Elle rit. Et Maurice avec elle. Sur l'une de ces photos, il est assis sur un muret et Marthe debout contre lui. On voit des immeubles au loin et je crois reconnaître la baie des Anges. Je les imagine sous le ciel bleu d'aujourd'hui. Ce 6 novembre qui pourrait être le leur. J'imagine une perfection de bleu, all over, et la lumière étincelante. Ils portent des pulls à col roulé, il n'y a aucun vent, aucun chapeau ne sera dérobé, c'est un beau temps d'éternité. Et puis, sans crier gare, les photos d'avril 1940. À Nice, sur le balcon du Grand Palais, au 9e étage, Marthe regarde Maurice en uniforme de soldat. Et lui doit contempler la mer qui agrandit le temps. Et Dieu sait que le temps s'amenuise. Maurice n'a plus que 2 mois à vivre. Il ne saura pas que le Grand Palais se révélera une des souricières de la ville, où les Juifs avaient cru trouver refuge depuis les années 30. Le département des Alpes-Maritimes est le département où le plus grand nombre de Juifs a été déporté après celui de la Seine. Maurice ne le saura pas. Il est comme un fruit à peine mûr que ce savoir-là n'aura pas flétri. Pour l'heure, il dirige le magicien prodigieux et Marthe illumine la fosse d'orchestre. Il n'y a plus de tristesse et la mort est lointaine. Mine, Maurice, Marthe. Comme si Mine avait transmis à Maurice la faculté d'aimer au point de devenir l'autre. Dans une de ses dernières lettres à Marthe, depuis le front, en mars 1940, Maurice écrira « Je te livre ici le plus secret de mon cœur. Parce que tu es moi et que je ne pourrais supporter de te voir, une partie de moi-même, privée de la surabondance des biens qui est à portée de nos mains. » Mais cela n'empêche pas la légèreté des premiers frissons, ni les fleurs que Maurice envoie à son interprète. Beaucoup de fleurs, accompagnées de petites cartes de sympathie respectueuse et vive, d'amitié, de très vive et amicale gratitude. Tellement de fleurs que Marthe se moque un peu de lui, aussi gentiment que Mine quelques années plus tôt, et fait la coquette à l'occasion. « Mon cher Jaubert, vous êtes trop gentil et quelle aimable surprise. C'est délicieux et ravissant, mais je vous gronde très fort. Vous gâtez beaucoup trop vos interprètes. À ce soir. » Merci encore et très amicalement. Marthe Bréga. Si Marthe est plus impulsive, plus gaie, plus fantasque que Maurice, elle partage sa vocation de la musique, son mépris du métier et de la carrière. Combien j'avais raison quand, en riant, je me plaisais à nous baptiser les enfants perdus. La révolte me secoue durement, et je connais maintenant qu'il est vain d'espérer faire même entrevoir à qui que ce soit où se trouve le centre de la vie pour nous. Un certain héroïsme, un certain dégoût sont incompatibles avec une vie raisonnable, telle que la rêvent pour nous ceux qui nous aiment le plus. N'as-tu pas peur ? Dans les innombrables lettres de Maurice, qu'il signe le plus souvent Bico, mais aussi Miko, Pouichou, Mouche et j'en passe, Marthe deviendra ma petite fille, mon petit pigeon, mon chou, mon marton, coucoute, mamie, à la toute fin. Cependant que Marthe appelle Maurice mon grand enfant, ou clown, est signe parfois d'un buster qui lui vaudra plus tard d'être surnommé Bubu par la parentèle et nous rappelle sa drôlerie ainsi que la révélation que fut Buster Keaton dans les années 20. Comme si l'amour déployait joyeusement l'identité, la rendait floue sur les bords, au lieu de la cadenasser et de la circonscrire au rôle de mari et de femme. Je fredonne doucement la chanson de Tessa. Si je meurs, les oiseaux ne se tairont qu'un soir. Maurice Jaubert l'écrira en 1934. Elle fera partie de la musique de scène de Tessa, adaptée par Giraudoux. Cette chanson est le tube de Jaubert. Elle a été reprise par de nombreux chanteurs. Maurice Ravel accepte d'être le témoin du mariage religieux de Maurice et Marthe à l'église de la Trinité, deux jours après le mariage civil, le 5 octobre 1926, à la mairie du 9e arrondissement. Sur l'une des photos de mariage, Marthe, en robe de mariée, donne le bras à Maurice, particulièrement beau, lumineux. Mais il est vrai que j'ai un faible pour lui. Sur l'autre, Maurice Ravel est très raide. Il est environné de membres de la famille de Marthe, un peu ridicules dans leurs habits de noces. D'où vient que les mariages sont toujours un peu ridicules. Après ces marques d'amitié et d'affection de Ravel à Jaubert, le silence a tout recouvert. Le dernier mot, la dernière carte postale, est envoyée le 9 août 1927, après que Maurice a envoyé un télégramme, un petit bleu à Ravel, pour lui annoncer la naissance de sa fille, Françoise, le 4 août. Puis plus rien. Quelques mois avant d'épouser Marthe, Maurice avait composé deux poèmes de Malherbe qu'il dédie à sa dame. Celle-ci les chante le 5 décembre 1926 à Paris, on ne sait plus où. C'est là pour moi leur vrai mariage, à la fois païen et mystique. Et lorsque Maurice s'unit à Marthe, sa musique épouse tout autant la clarté de la poésie de Malherbe. Jobert ne cesse d'aller vers cette clarté, cette franchise que son visage porte comme une promesse. N'en a-t-il pas pris la mesure dans les paysages d'enfance, à la montagne et à la mer, d'où le brouillard, le brouillé est absent ? Promesse du visage déployé par la lumière d'ici, lumière de premier matin, éternellement lavée. En 1928, Maurice va quitter la Cagna de chez Pleyel, où il se sentait moisir. Il est à la recherche d'un travail, des projets tombent à l'eau, rien ne va de soi. Mais il compose 3 sérénades sur des poèmes d'Apollinaire, de Jam et de Supervielle, que chantera en mars la grande Ninon Valin au Théâtre du Vieux Colombier et un an plus tard à l'Artistique. J'écoute les 3 sérénades dans ma voiture, en allant à Nice, au cimetière de Cocade, où est enterré Maurice. Elles sont chantées par Félicity Lott et sont accordées à la légèreté inventive, à l'air de ne pas y toucher d'Apollinaire qui semble donner le la. Que de sous-marins dans mon âme naviguent et vont l'attendant, le superbe navire où clame le cœur de ton regard ardent. Cette traversée de Guillaume Apollinaire et la musique de Maurice Jobert pour me conduire jusqu'à l'est de la ville, au-dessus de l'aéroport, dans le grand beau temps revenu et la lumière scintillante qui fait cligner des yeux. « La tombe est tout en haut du cimetière, » me dit le gardien, en me donnant un plan où il a tracé au feutre bleu le chemin que je dois suivre. C'est un vaste cimetière. Les allées sont larges, bordées de beaux arbres, des cyprès mais aussi des pins parasols, qui forment parfois un bosquet, des palmiers remarquables, non loin de l'allée Maurice Jobert, que signale une stèle surmontée d'une petite sculpture dont je préfère ne rien dire. Je ne trouve pas tout de suite la tombe, qui est une simple pierre grise où sont gravés par ordre les noms de Denis, François, Yvan, Haïdé et Maurice, en dernier. Le cercueil de Maurice Jobert est revenu de Baccara, en Lorraine, en 1952. La municipalité de Nice a recouvert le cercueil d'un drapeau tricolore, a rendu hommage aux musiciens, puis, enveloppé de tissus bleu, blanc, rouge, il est resté dans une chapelle de Cocade et a été inhumé après qu'Haïdé est morte en 1971. Je devine au-dessus, déjà dans la colline, déjà dans la campagne, les bulbes bleus du cimetière russe plantés d'orangers. Je me retourne et ce mouvement un peu brusque me réveille. Les bruits de la ville, les avions qui décollent, je vois les échappées sur la baie des Anges, sur la mer, ah, la mer. Je me défais du drap gris aussi pesant, aussi collant qu'un linge mouillé. Je sors la tête, l'épaule, la jambe, tout le corps à découvert. Je nage dans l'eau froide de février. J'oublie tout. Et comme j'écris ces mots, une clameur perce les fenêtres de mon bureau. Je les ouvre en grand. Et dans le ciel, des formations en V de milliers de grands oiseaux, milliers de grues cendrées, déchirent doucement le ciel de plomb. C'était « Le beau temps » de Marilyn Debiol, lu par Marie-Sophie Ferdan. Avec les voix de Christine Brucher, Gonzague Van Berwesles et Odile Heimburger. Dessein de quitter une dame qui ne le contentait que de promesses est chanté par Odile Heimburger. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc et Pierre Henry. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner. Adaptation et réalisation, Sophie Haute-Picon. Le beau temps de Marilyn Debiol est publié aux éditions du Seuil.